Les petites histoires de Tell Me. Salut, moi c'est Arthur, j'habite un village qui regorge de légendes qui vont vous épater. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la librairie de l'infini. Dans mon village, il y a la bibliothèque Tapaz. Elle est toute petite, mais abrite absolument tous les livres du monde. La preuve, si un ouvrage n'est pas en rayon, Marc disparaît quelques minutes et réapparaît avec le livre. Incroyable, non ? Eh bien, figurez-vous que dans la réserve de Marc, il y a une porte cassée qui mène à une pièce secrète, remplie de livres. Et cette pièce secrète abrite une autre pièce, qui en abrite une autre, qui en abrite une autre, qui en abrite une autre, qui permet d'accéder à une dernière pièce dans laquelle se trouve un miroir. Si l'on utilise la bonne formule magique, sa glace ondoie comme la surface d'un lac, ouvrant un accès vers la grande bibliothèque. Un endroit hors de l'espace et du temps qui offre à l'élite des bibliothécaires un accès à tous les ouvrages des mondes connus. Finalement, ce n'est pas si étonnant qu'avec ça, Marc puisse nous prêter tous les livres que l'on veut. On est plutôt chanceux, non ?